soleil ne braise mais pas résonne. Chaque grain de sabre raconte les hommes. Riders qui l'avance, l'ombre en bandoulière. Le Far West renaît dans une prière. Les portes battent d'un vieux saloon. Le soir s'allume comme une lune. Le sax rugit, rares mots gémis. La poussière danse au cœur de la nuit. Chaque duel laisse un écho froid. La terre avale les rois. Le blues résonne dans chaque cri. Un désert vivant, une symphonie. Ride on the steel through fire and stone. Rider still ride. He stands alone. Ride with the storm. The desert will sing. The West remembers his shadow king. Les regards froids ne peuvent mentir. Un souffle rauque fend l'horizon. Chaque pas grave sculpte la prison. La poussière rouge, les flammes de fer. Riders Guild marche droit vers l'enfer. Les tambours modernes frappe le ciel, un blues éternel, cru et cruel. La nuit s'incline, l'homme est né.